La cigale, la fourmi et le bon lézard, de Gustave Salicis. Il y avait une fois une cigale. Peut-être ne savez-vous pas bien ce que c'est qu'une cigale. C'est une espèce de très grosse mouche qui aurait quatre ailes au lieu de deux, un long bec ou suçoir qui partirait de derrière la tête et dont les pattes ressemblent un peu à celles des sauterelles. Or, si vous n'avez pas vu de cigale, vous avez certainement essayé d'attraper des sauterelles. Je connais même bien des gens, grands ou petits, qui, n'ayant jamais vu que des sauterelles, donnent volontiers aux plus grandes le nom de cigale. Vous n'oseriez sans doute pas toucher une cigale. Cependant, ces insectes ne font de mal qu'aux feuilles qu'elles sucent pendant l'été. Il y en a même parmi elles, et dans les pays chauds, qui auraient, dit-on, une singulière qualité, c'est qu'en piquant les grands arbres, les ormes par exemple, qui ombragent ordinairement le bord des routes, elles en feraient découler un suc particulier, la manne, qu'on fait prendre précisément aux enfants lorsqu'ils sont indisposés. Vous m'avouerez que ce serait vraiment une chose remarquable, qu'il fallait justement la piqûre de cet insecte pour obtenir un remède doux et plus que rafraîchissant. Je vous cite ce fait parce qu'il est imprimé dans des livres très sérieux, mais je n'y crois pas trop, et comme un très ancien, très grand et très véridique historien qu'on appelle Hérodote, je dirais volontiers « On m'a conté cela, mais je ne l'ai pas vu. » J'en croirais plus volontiers à ce propos un mien ami, pharmacien distingué, d'après lequel la manne en question nous viendrait de Sicile ou de la Calabre, dont les frênes la laisseraient suinter. On la récolterait sur l'écorce de ces arbres, tantôt en larmes figées, ce qui est la manne en larmes, tantôt au long filet ou manne en sorte, tantôt enfin en paquet, au pied même des frênes, ce qui serait la manne grasse. Ce dont je suis certain, c'est que les cigales sont étonnantes par le bruit que font les mâles et par la manière dont ceux-ci produisent ce bruit. Vous croyez peut-être que c'est avec la bouche, pas du tout. Ils ont sous le ventre et de chaque côté un tout petit trou fait comme un petit tambour. Ce tout petit tambour est fermé en dehors, comme un tout petit tambour ordinaire, par une peau tendue, mais qui craque comme du parchemin. Au milieu de cette peau, ou membrane craquante, dans l'intérieur du tambour, est collée une sorte de manche qui va jusqu'au fond du tambour où il s'attache cette fois au corps de l'animal. Alors, qu'arrive-t-il? C'est que la cigale, en poussant et en tirant ce manche, force la membrane à se courber tantôt en dehors, tantôt en dedans, et la fait ainsi craquer rapidement. Ce n'est pas plus malin que cela. Et vous-même, vous pouvez faire la cigale. Prenez entre chacun de vos pouces et le doigt voisin les bouts d'un morceau de parchemin sec, de manière que vos pouces se touchent presque, les ongles en dessus. Maintenant, approchez et éloignez rapidement vos ongles, et voilà le cri-cri-cri demandé. Il y a des... Et voilà le cr-cr-cr demandé. Il y a des contrées, voyez-vous, dans le Midi par exemple, où en été, on entend sur toutes les routes et sans cesse un bruit de mille crécelles. Ce sont mesdames les cigales, ou plutôt les messieurs de ces dames, qui sont cachés par milliers dans les arbres et qui donnent à leur façon un concert sans fin. Quand on passe, les cigales se taisent un moment. Mais dès qu'on est à quelques pas, elles rattrapent le temps perdu en faisant 10 fois plus de tapage. Il y avait donc une fois une cigale. Elle se nommait Cricrette. Cette cigale était bon enfant, très paresseuse cependant, et en même temps très vaniteuse. C'est-à-dire qu'elle était très contente d'elle-même et qu'elle trouvait bien tout ce qu'elle faisait. Ce défaut est assez commun, mais comme il fait détester ceux qui s'y laissent aller, on ne saurait trop chercher à s'en guérir. Notre cigale était donc vis-à-vis d'elle-même en admiration perpétuelle. Elle se trouvait belle, agitait toujours ses ailes transparentes comme pour les faire voir. Sa voix surtout lui paraissait sans égale. Dès que vint le mois de mars, au moment où les amandiers fleurissent, elle s'installa sur le plus bel ormeau et, persuadée qu'elle enchantait tout le monde, elle faisait entendre du matin au soir son insupportable cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Je ne dirais pas qu'elle ne s'arrêtait que pour boire, parce que les cigales ne boivent jamais et semblent même se plaire dans les lieux les plus poudreux et les plus desséchés, mais tout au plus s'arrêtait-elle un court instant pour sucer une feuille ou un rameau, après quoi elle repartait de plus belle. Ce malheureux insecte ne faisait donc rien de bon. Il ennuyait tout le monde, dégarnissait l'arbre de sa belle verdure, sans paraître se douter que les feuilles ne durent pas toujours et qu'en hiver les arbres mêmes n'ont plus de suc. Son arbre s'élevait au-dessus d'un grand clapier, c'est-à-dire d'un amas de pierres que les laboureurs avaient formé en réunissant sur un même tas les cailloux qu'ils enlevaient de leurs champs pour ne point émousser le fer de leur charrue. Ce clapier se présentait comme un petit monticule. Les automnes précédents, des feuilles étaient tombées sur ce clapier et s'étaient logées entre les pierres. Le vent avait apporté de la poussière, il avait plu souvent, de sorte que les feuilles avaient pourri, étaient redevenues terre et qu'il s'était fait de petits réservoirs de ce que les jardiniers appellent du terreau. On vous dira combien les plus belles plantes aiment cela et comment elles y prospèrent. Aussi, le vent ayant également apporté des graines, les oiseaux en ayant laissé tomber d'autres, toutes les jolies plantes qui aiment les pierres avaient poussé, fleuri sur ce clapier. Les chèvrefeuilles qui sentent si bon, de grandes ronces qui produisent ces grappes de fruits noirs que vous appelez mûres, quoique la mûre soit le fruit du mûrier, des lierres, des capriers épineux, l'un des plus jolis arbrisseaux qu'on puisse voir. Beaucoup d'autres, enfin, que je vous laisse à imaginer. Comme les animaux ne sont pas sots, ils savent très bien choisir les bons endroits, et ce clapier fleuri était plus animé qu'une ville. Au-dessus des plantes voltigeaient les papillons, le citron aux ailes jaunes, le chou blanc, le vulcain rouge et noir, l'iris bleu, et comme il y avait de l'eau dans le voisinage, les grandes demoiselles aux libellules, aux ailes transparentes et azurées, venaient là aussi se balancer aux extrémités des rameaux les plus déliés. Au milieu du feuillage, on entendait des battements d'ailes, le gazouillement des fauvettes babillardes qui nichent en mai et en août, auquel s'unissait celui des mignonnes mésanges grimpeuses, des bergeronnettes vertes qui hantent de préférence le bord des ruisseaux ombragés, si familières d'ailleurs, que l'on croit parfois pouvoir les prendre à la main, et qui cependant défendent leurs petits même contre les chats. Dans le bas du fourré, entre les racines et les pierres, allaient venaient en zigzag, montaient, descendaient, comme s'ils avaient beaucoup d'affaires toutes sortes de brillantes scarabées. Les cétoines ou hannetons dorés, les cicindelles vertes et roses, les gentilles coccinelles ou bêtes à bon Dieu, les capricornes musquées, etc., etc. Sur les pierres découvertes, messieurs les lézards gris et verts dormaient en plein soleil et au moindre bruit partaient comme des flèches. Il y en avait parmi eux dont la queue présentait quelques bosses, d'autres dont les pattes étaient inégales. C'est que la queue du lézard est fragile comme du verre, mais cassée, elle repousse en formant un petit bourrelet à la cassure. Ceci est déjà très singulier. Cependant, une chose plus curieuse, c'est que quand un lézard perd une patte, cette patte repousse comme une plante. On ne voit guère cela que chez les écrevisses ou les lézards, et sous ce rapport en particulier, vous admettrez que les hommes sont certainement inférieurs aux écrevisses. Il ne faut jamais trop s'enorgueillir. Mais ce n'est pas fini. Au mois de juillet, les araignées de jardin qui ont les pattes, ainsi que le corps, mouchetés de jaune et de noir, filaient leur toile légère entre les ronces et les chèvrefeuilles et attrapaient mouche ou moucheron tout en se faisant percer par les chèvrefeuilles et les ronces. Enfin, le dessous du clapier était habité par d'innombrables fourmis qui avaient creusé dans toutes les directions des galeries souterraines et des magasins. On aurait pu voir là, rangés en bon ordre, et plus haut que ne semblerait le permettre la taille des travailleurs, des tas de blé, des monceaux d'orge, grains plus longs que le blé, des tas d'avoine dont le grain encore plus long est très pointu des deux bouts, des graines de foin, de luzerne, des pépins de fruits, des corps d'insectes desséchés. Impossible enfin d'imaginer l'ensemble des provisions que les fourmis réunissent grâce à leur activité continuelle. Il y avait même, chose étonnante, des régiments de pucerons verts semblables à ceux des groseilliers. Il faut vous dire que ces pucerons ont sous le ventre deux petits sacs d'où sort une liqueur sucrée. Et mesdames les fourmis, très gourmandes à ce qu'il paraît, lorsqu'il ne leur en coûte rien, profitent de ces pucerons comme nous des vaches. Il est certes bien de travailler et d'amasser des provisions pour la saison où l'on ne trouve plus rien. En cela, les fourmis méritent beaucoup d'éloges. Mais le mal est qu'elles amassent, amassent, amassent toujours, et tant, et tant, et tant, qu'elles finissent par en avoir beaucoup plus qu'il ne leur en faut. Elles ne songent absolument qu'à cela. Ce qui pourrait être une qualité devient une passion mauvaise, un horrible défaut plus blâmable peut-être que la paresse de la cigale, car le vice de l'avidité les pousse à dévaliser les greniers des laboureurs, à grimper un long fil le long des murs pour pénétrer par les fentes ou les fenêtres dans les maisons, puis dans les armoires et jusque dans les sucriers, les boîtes à biscuits, les bouteilles de sirop qu'on laisse déboucher, les burettes à huile où leur gourmandise est du reste souvent punie, car elle s'y noie par milliers. En même temps, la crainte de voir diminuer leur approvisionnement rend leur cœur si dur qu'elle ne donnerait pas une miette à un autre animal, dût cette miette lui sauver la vie. Elles sont donc, remarquez ceci, bien différentes des vaches, par exemple, qui, pourvu qu'elles aient assez de lait pour les besoins de leurs veaux, laissent profiter ceux qui les nourrissent de ce qu'elles ont en trop. Le plus remarquable de ces travailleurs souterrains était une certaine dame fourmi, grande, sèche, avec de grosses pattes. Elle se trémoussait, trottait et travaillait toute la journée, ne disant mot de peur de perdre une minute, l'inverse absolument de la cigale. Les habitants du clapier, la voyant toujours occupée à augmenter le tas de ses provisions, ne l'appelaient que Madame Gentasse. Cette maigre et laborieuse personne avait les qualités et les défauts de sa famille. Ainsi elle était active, rangée, propre, mais en même temps avare au point qu'elle aurait laissé finir l'univers plutôt que de s'émunir d'un grain de millet, de plus envieuse à ne pouvoir engraisser. L'envie, rappelons-nous cela, est un défaut hideux, qui consiste à ne pas être content lorsqu'il arrive quelque chose d'heureux aux autres, ou à s'irriter de ce que les autres possèdent quelque chose que nous n'ayons pas. Quand on est affligé de ce vilain défaut, on maigrit, les sourcils se froncent, on regarde en dessous et de travers, la face devient jaune, on dirait que le sang est remplacé par du jus de citron. Il est de fait que si jamais vous goûtez à une fourmi, vous la trouverez sûre comme du vinaigre. Ainsi que toutes ses parentes, la fourmi en question était venue au monde avec des ailes. À cette époque, elle sortait le soir avec ses compagnes par les différents trous du clapier, et les jeunes fourmillettes, au nombre de plusieurs milliers, faisaient là toutes sortes de gentillesses et de folies. Il fallait même que les mères, les tantes, sortissent en patrouille comme une véritable gendarmerie et saisissent par les cornes ou par les pattes ces jeunes insubordonnés qui refusaient de rentrer à l'atelier où le travail les attendait. Bientôt d'ailleurs, comme la nature l'a voulu, les ailes étaient tombées. Les cervelaidières étaient alors devenues fourmis sérieuses, très attentives au travail, mais elles ne pouvaient se consoler de la perte de ces ailes. La cigale, au contraire, conserve toujours les siennes. Aussi, dès que l'envieuse fourmi entendait « cr cr cr cr cr », c'est-à-dire toute la journée, elle se sentait bouillonner d'une colère telle que la tentation la prenait de grimper sur l'arbre pour arracher à la cigale le bel ornement dont elle-même ne pouvait plus faire étalage. « Va, va !» disait-elle aigrement. « Chante, chante, mademoiselle Cricrette, tu ne chanteras pas toujours. Fais frissonner tes ailes, vaniteuse que tu es. Nous verrons, ça ne peut pas durer longtemps, et je t'apprendrai bientôt à chanter à tue-tête, pendant que moi je suis obligée de travailler, ou à battre des ailes, comme pour te moquer de moi parce que je n'en ai plus. » Mais il y avait encore un autre sujet d'envie dont Madame Fourensac, autre nom de la mère Gentasse, ne disait rien. C'est que les fourmis en masse ne sentent pas bon du tout, tandis que la cigale, toujours au milieu du vent, n'a pas d'odeur. Hélas, notre étourdie devait avant peu payer en effet bien cher la paresse dont elle était coupable, et même le plaisir innocent qu'elle trouvait à battre des ailes. L'hiver arriva, plus de feuilles. Le suc, la sève, comme on dit, cesse alors de circuler sous l'écorce. Les arbres paraissent changer en bois sec, et la cigale avait beau enfoncer son long bec le plus loin qu'elle pouvait, plus rien. Du coup, une grande peur la prit. Elle cessa de chanter et, pour la première fois aussi, sa folle tête se mit à réfléchir. Il était bien tard, car que faire? Elle ne pouvait se nourrir ni de ce qu'elle avait oublié de conserver, ni de ce que les arbres n'avaient plus. Pas un centime d'ailleurs pour acheter aux autres ce qui lui manquait, car les centimes se gagnent en travaillant. Or, elle n'avait fait que chanter, et même d'une manière très déplaisante. Malheureusement, la réflexion ne nourrit pas, et la faim augmentant toujours, Cricrette devenait si maigre, qu'on voyait le jour à travers son corps. Enfin, il fallut bien qu'elle se décidât à implorer la charité des autres. L'idée qui se présenta le plus naturellement fut de s'adresser à ces riches fourmis qu'elle avait vu pendant tout l'été charrier des provisions de toute espèce. « Elles doivent en être encombrées, » se dit-elle. « Comme d'ailleurs je ne mange pas beaucoup, ce qu'elles me donneront ne les privera vraiment de rien. Allons, du courage !» Cricrette avait si peu de force qu'elle n'osa pas voler de l'arbre sur le clapier. Elle descendit péniblement, et apercevant une ouverture de la fourmilière, elle se plaça tout auprès et murmura « Ayez pitié d'une malheureuse cigale qui meurt de faim !» La mère Gentasse, qui était toujours aux aguets, entendit, comprit et accourut, gonflée à la fois d'une joie méchante et de colère. « Que faites-vous ici? Que voulez-vous, grande fainéante ?»« Madame, ayez pitié de moi, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. »« Est-ce que cela me regarde? Suis-je chargé de donner à manger à tous ceux qui disent qu'ils ont faim ?» Et parce que j'ai beaucoup travaillé, est-ce à moi de nourrir les paresseux? Madame, je vous promets de vous rendre tout et même de travailler l'année prochaine, de manière à vous rendre le double de ce que vous me donnerez. Ta, ta, ta! Promesse d'affamée! D'ailleurs, pourquoi n'avez-vous pas de provisions? Qu'avez-vous fait tout cet été? Elle le savait bien, la méchante. Madame, dit Cricrette, toute honteuse, mais ne voulant pas mentir. Hélas, je n'ai fait que chanter. Ah, vous chantiez, voyez-vous ça? Mademoiselle chantait, battait des ailes sans doute au milieu de la verdure, tandis que moi je travaillais au soleil et dans la poussière. Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien alors maintenant, dansez. Et la méchante lui tourna le dos. À cette parole dure, la cigale perdit tout espoir. Cependant la faim pressant toujours, elle dit encore tout bas, « Madame, ayez pitié de moi. » Vous êtes encore là, vagabonde? Dit la four en sac en se retournant. « J'ai déjà perdu trop de temps à vous écouter. Allez vous faire pendre ailleurs. Et si vous ne reprenez pas bien vite votre chemin, je vais vous mettre en branle à coups de balai. » La triste cigale se leva comme elle put, mais au bout de quelques pas, sentant qu'elle ne pouvait aller plus loin, elle s'arrêta et, presque aussitôt, tomba épuisée. Si elle n'était pas morte, elle n'en valait guère mieux. Cependant, un lézard l'avait aperçue. Vous savez combien le lézard est vif et gracieux. Il est même si agréable à voir qu'on le croit volontiers doué de toutes sortes de bonnes qualités. C'est au point qu'on l'appelait l'ami de l'homme, parce qu'on a prétendu que, quand une personne est endormie dans l'herbe, le lézard veille sur elle, et que si une bête malfaisante, serpent ou autre, s'approche du dormeur, la vigilante petite sentinelle prévient lestement l'homme en lui chatouillant l'oreille. Ceci est un joli conte qui suppose, outre la bonté, beaucoup plus d'intelligence que n'en ont ordinairement les animaux. Tout ami de l'homme qu'on l'ait dit, les lézards ne se laissent pas prendre impunément et se servent très bien de leurs dents, dont ils ont même une double rangée. Mais on est toujours heureux de croire au bien chez les autres, cela ne fait de tort à personne. Rien ne s'oppose donc à ce que nous accordions à notre lézard tout plein d'excellentes qualités. Il s'approcha vivement de Cricrette. Avec sa fine patte de lézard, il lui tâta gravement son pouls de cigale et s'aperçut qu'elle respirait encore. Courir comme un éclair, chercher de l'eau à la source voisine dans une feuille roulée en cornet, rafraîchir la tête de la mourante et la ranimer un peu, tout cela fut fait par le bon lézard en un clin d'œil, et sans qu'il se demandât s'il avait affaire à une malheureuse succombant sous le travail ou à une paresseuse. Après quoi il la questionna, pour savoir seulement ce dont elle avait besoin. « Je meurs de faim, monsieur le lézard, » dit-elle d'une voix faible, « mais vous allez me laisser mourir de faim parce que je suis une paresseuse. »« Bah, bah, ce n'est pas le moment de vous faire un serment. Venez dans mon trou. Je vois bien qui vous êtes, et je me rappelle assez que vous n'avez fait que chanter tout l'été. Mais à tout péché, miséricorde. Tenez, voilà une feuille que j'ai trouvée sous les plantes du clapier. Elle n'est pas encore sèche, sucez-la. » Grâce aux soins du bon lézard, qui par son agilité et sa bonne volonté savait ainsi trouver des feuilles fraîches, la cigale revenait un peu à la vie, et l'on pouvait espérer qu'elle échapperait à la mort et renaîtrait bien corrigée. Malheureusement, dès qu'il fait froid, les lézards s'engourdissent comme tous les animaux qu'on appelle hibernants, les marmottes par exemple. Ils restent alors immobiles pendant 6 mois, au point qu'on les croirait morts. Notre ami ne put échapper à la loi naturelle, et avant que la cigale fût rétablie, il tomba en léthargie. Cricrette, croyant son ami véritablement mort, le pleura en dedans, parce qu'elle n'avait pas de larmes, et tant qu'elle put. Ensuite, elle le recouvrit de feuilles sèches pour préserver son corps des fourmis, et sans qu'elle le sût, cette précaution de son bon cœur tint chaud au lézard pendant tout l'hiver. Puis, cette opération terminée, elle jeta autour d'elle un regard désespéré. « Plus de papillons, des insectes, les uns étaient morts, les autres étaient cachés sous terre, où ils passent dans l'engourdissement la saison des froids. Les fourmis elles-mêmes étaient barricadées chez elles jusqu'au printemps. Les plantes du clapier avaient perdu leurs feuilles. L'on ne voyait plus que de tristes branches sèches, cassantes et nues. L'infortunée cigale comprit qu'il n'y avait plus de secours à espérer. Elle fit une dernière tentative pour remonter sur son arbre, mais à bout de force, sentant qu'elle ne pouvait dépasser le tronc, elle y planta une dernière fois son bec et expira en y restant attachée. Vous croyez peut-être que les fourmis s'applaudirent longtemps de leur dureté, que le printemps venu, elles recommencèrent à ramasser, à piller et à laisser mourir de faim non seulement les paresseux, mais aussi les malheureux comme les aveugles et les manchots. Détrompez-vous. Un jardinier, victime de leur avidité, chercha et découvrit la fourmilière. Il fit leur bouillir beaucoup de feuilles de tabac dans beaucoup d'eau et se procura de la sorte une lessive empoisonnée qu'il versa bouillante par les divers trous de la fourmilière. La mère fourre en sac et toutes les autres périrent malgré leur richesse, et sans pouvoir se dire, en mourant, que pendant leur vie elles avaient du moins essuyé les larmes de quelques infortunés. Personne, vous pouvez le croire, ne les regretta. Quant au bon lézard, s'étant réveillé un beau jour de printemps, il fut tout étonné de se trouver sous un édredon de feuilles sèches, et comprit comment, au plus fort des gelées, il avait eu un sommeil doux et tiède, se rappelant l'aventure de la cigale. Il se douta que c'était Cricrette qui avait fait cette bonne action. Il se mit à sa recherche. Hélas, il ne trouva que son cadavre. De la cigale, il ne restait plus que les quatre ailes et la peau transparente qui avait conservé la forme du corps. Le bon lézard, ému, l'ensevelit dans un peu de mousse et l'enterra à l'abri de la pluie, sous une pierre du clapier. Un grave bourdon, l'insecte le plus savant de l'endroit, se chargea de l'inscription qui devait rappeler l'histoire de la cigale. Un limaçon fournit la liqueur brillante dont lui et ses frères marquent partout leurs traces, et le bourdon, y trempant la pâte, écrivit en lettres d'argent sur la pierre. Ici repose Cricrette, qui chantait toujours. Elle fut paresseuse toute sa vie, mais ne fit jamais de mal à personne. Elle est morte par sa faute, mais aussi par la dureté de ceux qui n'ont pas eu pitié d'elle. Cette fable, mes enfants, vous prouve qu'il faut travailler, mais elle prouve aussi, par la misérable faim des fourmis, que les gens heureux font bien de venir en aide aux autres. Ils trouvent une grande jouissance à soulager les malheureux, et se font ainsi aimer de tous, tandis que les mauvais riches, détestés de tous pendant leur vie, sont surpris par la mort sans qu'ils aient une bonne action à porter au bon Dieu. C'est ainsi que se termine « La cigale, la fourmi et le bon lézard » de Gustave Salicis.